Donc, bonjour, je suis Colline Philibert, je suis doctorante au laboratoire Les métiers de l'histoire, édifices, villes et territoires, en première année de thèse. Je suis inscrite depuis novembre 2015 et mon sujet de thèse, c'est le recyclage des immeubles de logements sociaux de la seconde moitié du XXe siècle en France entre 1998 et 2016, les mémoires habitantes au service des projets contemporains. Donc, ma thèse est dirigée par Catherine Momy. Et j'ai un financement qui est un contrat doctoral du ministère de la Culture et de la Communication. Alors, avec cette présentation, dans un premier temps, nous allons voir quelques notions que je suis en train de définir. Donc, celle de recyclage architectural et urbain, celle de mémoire habitante. Ensuite, j'avancerai ma problématique et mes hypothèses de recherche. Puis je traiterai de ma méthodologie et de mon corpus et je ferai un petit point pour finir sur le calendrier pour la première année. Alors, quand on s'intéresse à la notion de recyclage architectural et urbain, dans un premier temps, j'ai désiré m'intéresser au terme proche, au préfixe en re, qui signifie encore une fois de nouveau, que sont réhabilitation, réanimation, remodelage, reconversion, renouvellement urbain et rénovation urbaine. Alors, parmi tous ces termes, on peut les diviser en deux catégories. Une première catégorie qui est relative à l'échelle de l'édifice, une seconde qui relève plus de l'échelle de la ville. Donc, dans la catégorie des termes qui sont relatifs à l'échelle de l'édifice, dans un premier temps, il y a réhabilitation, qui est au sens originel une action de rétablir quelqu'un dans ses droits et au figuré une action de faire recouvrer l'estime ou la considération. Et par métonymie, donc, c'est une procédure visant la remise en état du patrimoine architectural et urbain longtemps considéré et ayant récemment fait l'objet d'une revalorisation économique, pratique et ou esthétique. La réanimation, c'est une transformation qui a pour fin d'adapter un édifice à un aménagement aux exigences actuelles, soit en permettant aux anciennes fonctions de se poursuivre, soit par changement d'affectation. Ensuite, le remodelage, qui est un jeu sur la réduction ou l'extension de certaines typologies afin de varier les modes d'habiter. Il permet de modifier en profondeur les conditions de l'habitat, l'offre typologique et le confort du logement. C'est une transformation limitée par les chantiers en milieu occupé. Et pour finir, la reconversion. La reconversion, c'est une introduction d'une nouvelle fonction dans un bâtiment désaffecté. Et c'est une notion qui a été pratiquée de tout temps, mais qui accédait au rang technique architectural que dans les années 80, et essentiellement dans le cadre des bâtiments industriels. Alors ensuite, pour les termes qui relèvent de l'échelle de la ville, on est dans un postulat politique. Alors il y a d'abord la rénovation urbaine, qui est la démolition en vue de construction nouvelle d'un secteur urbain occupé par les logements, des activités ou de façon mixte. Puis le renouvellement urbain, qui est la relance des quartiers en déshérence, moyennant une intervention très volontaire et diversifiée sur l'habitat, l'emploi, la sécurité à l'école, etc. Alors, je ne sais pas, je crois qu'on ne doit pas bien voir. Donc ça, c'est une petite frise pour arriver à replacer chronologiquement ces termes par rapport aux éléments des politiques de la ville. Alors, tout d'abord, la rénovation urbaine. La rénovation urbaine, c'est un terme qui apparaît en 1958 avec le décret de la création des UP. Donc, il est mis en place par Charles de Gaulle. Et il court avec un processus, enfin, le processus qu'on met en place pendant cette rénovation urbaine, c'est le processus de réhabilitation. Qui va avoir lieu de 1953 à 1995 à peu près. Ce qui met fin à la réhabilitation, c'est la circulaire encadrant la réglementation de la destruction des grands quartiers de logements sociaux en juillet 1996, puis la mise en place des grands projets de ville, opération de renouvellement urbain, et ensuite la loi d'orientation de la programmation pour les villes et la rénovation urbaine en 2003. Donc à la fin de la réhabilitation, donc la rénovation urbaine, on passe à la notion de renouvellement urbain qui arrive dans les fins des années 90 avec les grands projets de ville, opération renouvellement urbain. Ensuite, le terme de réanimation, c'est un terme qui est utilisé par André Corboz dans un contexte particulier, ce qui est le contexte où il tente de théoriser la restauration dans le cas de la ville du Vieux Montréal. Le remodelage, c'est un concept qui apparaît dans les années 90-2000, qui est mis en place par notamment Roland Castro et Sophie Denisoff. C'est la période pendant laquelle ils vont faire beaucoup de réhabilitation de grands ensembles. Et la reconversion, donc, ça s'étend des années 80 jusqu'à aujourd'hui dans le cas des bâtiments industriels. Alors pour ce qui est de la notion de recyclage, elle a été utilisée notamment par André Corboz donc à la fin des années 60, début des années 70. Donc quand il était en train de théoriser la restauration du Vieux Montréal, donc il l'a abordé, mais il est vite passé à autre chose pour mettre en place la notion de réanimation. Et il dit du recyclage que c'est une intervention de n'importe comment sur n'importe quoi. Vincent Vachambre, lui, il a écrit un article en 2005 qui s'intitule « Le recyclage urbain entre démolition et patrimonialisation, enjeu d'appropriation symbolique de l'espace », donc où il traite davantage des friches industrielles et de la réutilisation de ces friches. Il nomme ça « recyclage urbain ». Et ensuite, Chris Younes et Roberto D'Arienzo qui ont dirigé un ouvrage qui s'intitule « Pour une écologie des milieux habités, recycler l'urbain » en 2014. Donc ça, c'est encore une petite phrase pour arriver à resituer les différents moments où ce terme a pu être utilisé, cette notion. Donc alors pour moi, le recyclage architectural urbain, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est... C'est une notion qu'on peut utiliser dans le cadre du travail de transformation des immeubles de logements sociaux de la seconde moitié du XXe siècle. C'est une notion qui intègre les enjeux environnementaux et qui est définie par une intervention architecturale qui offre un nouveau cycle au bâti et à son intégration au tissu urbain. Alors moi j'adopte le postulat qu'elle définit un nouveau processus de transformation architecturale qui prend en compte l'histoire des lieux, les mémoires habitantes à travers les paroles habitantes et la participation. Mon travail de thèse, c'est de questionner ce recyclage architectural défini comme tel à travers la mémoire habitante. Donc la mémoire habitante, je vais un petit peu essayer de la définir, mais c'est le travail que je suis en train de faire en ce moment, donc il n'est pas très abouti. Donc la mémoire, c'est quoi ? C'est une faculté qu'a l'esprit de se fixer, de conserver et de rappeler les idées, des connaissances acquises, des événements, des images, des sensations, des états de conscience antérieurs. Pour Maurice Halbach, la mémoire n'est pas qu'individuelle, elle peut être collective. Et pour Paul Ricoeur, elle participe à l'identité narrative des individus et des groupes humains. Donc moi, la mémoire, je vais essayer de la traiter plutôt dans sa pluralité comme un élément du projet architectural. Alors la problématique de ma thèse, c'est les mémoires habitantes sont-elles utilisées par les architectes dans les projets de transformation des immeubles d'HLM depuis la fin des années 1990 ? Et les hypothèses que j'avance sont qu'on assiste à une évolution de la manière de concevoir le projet de transformation des immeubles de logements sociaux depuis une vingtaine d'années et que les mémoires habitantes sont davantage prises en compte dans la conception par les architectes depuis la fin des années 90. Alors pourquoi j'ai choisi la fin des années 90, donc comme je l'ai expliqué précédemment avec la frise, c'est pas le début de l'ANRU, puisque l'ANRU commence en 2003, pourquoi j'ai choisi 1998-2016, c'est parce que à partir de la traque de 1996 sur la réglementation qui encadre la démolition, et 99 la création des grands projets de ville, c'est un élément déclenchant de ce qu'on est en train de vivre en ce moment et de la loi Borloo et de l'ANRU 1 et de l'ANRU 2. Alors ma méthodologie. Pour l'instant, ma méthodologie se base sur deux approches. Dans un premier temps, une étude de projet et d'agence que je suis en train d'essayer de choisir. Je vais essayer de questionner le processus de conception mis en place par des agences qui utilisent donc la pratique de recyclage architectural définie comme je l'ai défini précédemment. Et ce que je souhaite faire, c'est des entretiens, des études du processus conceptuel, etc. Donc ça, c'est un exemple de tableau que je suis en train de mettre en place pour choisir ces agences et ces projets selon différents critères qui sont un processus de conception particulier, une constitution de matériaux mémoire habitante en amont de la phase de conception, un travail autour du matériau mémoire habitante pendant le travail de conception architecturale de transformation, une prise en compte de la parole habitante, une intervention en site occupé et du coup, est-ce que l'agence ou le projet est considéré comme un projet de recyclage architectural et urbain? Ensuite, j'ai une seconde approche de l'étude qui se fait par trois terrains d'étude sur lesquels je souhaite travailler autour de la confrontation au projet, de la mémoire du quartier et des habitants à travers la parole habitante, et notamment au travers de la vidéo. Donc ça, c'est une autre grille de choix des terrains d'étude. Pour l'instant, il y a un seul terrain d'étude qui a été fixé, c'est celui de la Villeneuve de Grenoble. Alors, pourquoi la Villeneuve de Grenoble? Parce que c'est un quartier où il y a un réel contraste entre la vision actuelle qu'on peut avoir du quartier et les volontés initiales des architectes de l'AUA, des urbanistes, des sociologues. C'est un quartier qui promettait une mixité sociale qui fonctionnait, une nouvelle manière d'habiter. C'est aussi un quartier où des associations ont su se constituer pour s'opposer aux projets mis en place par la mairie, notamment dans le cadre de l'ANRU 1 et de l'ANRU 2, avec la mise en place d'ateliers populaires d'urbanisme. Et c'est également un quartier qui a été choisi au début des années 70 par l'État pour mettre en place une expérimentation de la télédistribution, et donc qui possédait un atelier vidéo et qui avait une télévision locale. Donc il y a des archives vidéo importantes. Ensuite, il y a d'autres sites auxquels j'ai pensé, donc notamment les Hauts de Chambéry, la Corniche à Firminivert. Là, c'est un contexte particulier, c'est un contexte patrimonial, mais c'est un projet qui a été fait une dizaine d'années avant la Villeneuve, donc il n'y a pas vraiment de matériaux archives vidéo parce que ce n'était pas démocratisé. Valence, le haut du quartier, la cité étoile à Givors, les Bleuets, Montmestre, Créteil. Donc Créteil, c'est aussi une des villes neuves qui avait été choisie pour expérimenter la télédistribution. Donc la liste n'est pas exhaustive et c'est le travail que je suis en train de faire en ce moment. Donc quelques photos des projets que j'envisage peut-être d'étudier. Et ça, alors rapidement, parce que c'est quelque chose qui n'est pas abouti du tout, c'est la méthodologie à partir de la vidéo. Donc l'idée, c'était de choisir, en prenant des vidéos qui partent de la conception des quartiers de logements sociaux jusqu'à aujourd'hui, et en choisissant un certain nombre et en faisant visionner ces vidéos à un panel d'individus qui auraient été choisis selon une méthodologie particulière entre habitants, anciens habitants, acteurs locaux, ce serait d'étudier les mémoires habitantes qui ressortiraient de la parole habitante, c'est-à-dire des discussions qui suivent ces vidéos, et voir comment les confronter au projet actuel. Et donc les pistes de corpus en termes de vidéos sont les télévisions locales, vidéo gazette entre 73 et 76 pour Grenoble, vidéo 95 dans le cas de Sergi Pontoise, des vidéos VHS qui ont été tournées après, il y en a notamment à la Maison de l'Image à Grenoble, des vidéos amateurs, et dans le cas où je choisirais un terrain d'étude où il n'y aurait pas ce matériau vidéo, un autre cas d'archives qui serait d'une ensemble de ressources documentaires relatives au territoire constituées par l'ANRU et les bailleurs sociaux dans le cadre des rénovations urbaines. Donc voilà. Et ça, c'est mon calendrier que je souhaite approfondir pendant la première année, à savoir approfondir le travail de définition, l'état de l'art, fixer les terrains d'étude et fixer le corpus. Voilà. Merci. Merci, Colline. Que quelqu'un souhaite intervenir? L'hypothèse, c'est qu'il y a eu une évolution dans le travail de réhabilitation de logements sociaux depuis la fin des années 90, où il y a davantage de prise en compte de la mémoire habitante et de, à travers le processus de conception architecturale. La participation, oui, aussi. Oui. Donc, c'est joyeux, une photo à la fin de la film qui évoquait un peu ça, là, ce qui est fait sans... Oui. Ça, c'était l'association de Villeneuve Debout qui a été mise en place contre... Et dans les projets, encore plus de projets que vous comptez étudier, il y a des exemples comme ça de projets qui auraient été menés en participation à mi-temps, ou c'est seulement la mémoire à mi-temps? Mais il y a la mémoire habitante et il y a la participation habitante aussi. Je l'ai mis dans le tableau, la participation habitante. Savoir comment ils s'investissent et comment ce que eux perçoivent s'est réinterprété dans le projet. Moi je me demandais, c'est un peu compliqué avec le micro. Alors je ne sais pas si la question va être bien posée, sinon je te laisse la reformuler comme tu veux. Comment tu distingues la question de la mémoire et la question de la parole? Est-ce que tu pourrais expliquer la... Il y a forcément une différence, mais comment tu pourrais l'expliquer? Parce que j'ai l'impression que tu vas traduire les mémoires par la parole, par la parole qui est exprimée dans les vidéos et dans les réactions que les habitants vont avoir. Mais est-ce qu'il y a d'autres manières de présenter la mémoire? Quelle est la distinction? Oui, enfin, ça c'est le travail que je suis en train de faire sur les notions de mémoire, parole habitante, etc. Moi, à mon sens, c'est à travers la parole habitante qu'on va voir les mémoires relatives au quartier et aux habitants. Enfin, qu'est-ce qui va ressortir du débat et qui relève de la mémoire. Mais du coup, les vidéos sont aussi une forme de mémoire? Ou tu le considères pas du tout? Là, c'est un peu dans le débat, à savoir est-ce que la vidéo, c'est une forme de mémoire, est-ce qu'on peut la prendre, enfin, c'est un peu toute la question, quoi. Est-ce que c'est une archive historique? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce que... Et en quoi cette parole-là que tu vas recueillir, qui te rend des mémoires, te permet de voir comment la manière de conception... L'idée, c'était de les confronter au projet actuel mis en place et savoir dans quelle mesure est-ce que c'est pris en compte ou ça ne l'est pas. Ces habitants dans la mémoire consultée, finalement, ils font partie effectivement de la population civile qui va... d'habiter le nouveau projet contemporain. À quoi sert ce phénomène? c'est prise en compte. Qu'est-ce que c'est prise en compte? Parce que effectivement, on fait participer. On n'arrête pas, c'est même obligatoire. On fait participer, mais qu'est-ce que c'est que cette participation et les participations de la mémoire? Est-ce que c'est procédural? Est-ce que c'est parce que la loi nous dit qu'on doit faire participer? Et ben du coup, on dit qu'on a pris en compte parce qu'on a mis en place la procédure de concertation, tout ce que tu veux. Ou est-ce que c'est autre chose? Et j'ai l'impression que c'est ce que tu veux essayer d'investiguer, c'est-à-dire est-ce que dans la conception architecturale, on retrouve trace de quelque chose? Et là, c'est le cœur du problème, et c'est pas évident à traiter. Donc je pense qu'il y a vraiment cette question-là. Et puis par rapport à, juste une petite remarque en passant, par rapport au terme en re, que tu as investigué, du coup je me disais qu'il y avait un autre terme que tu n'as pas cité, qui est peut-être qui est très parlant, je trouve, et il vient de nos amis belges, c'est la revitalisation. Ça dit bien tout le programme politique qui est derrière. Tu pourras en parler avec Sarah, qui est en tutelle, qui connaît bien ces problématiques-là, parce que ça dit bien, ça dit bien le contexte politique et l'intention politique derrière, qui est claire. Tu le dis pas peut-être par pudeur, mais l'intention politique, c'est qu'il faut changer les habitants. Parce que dit le terme d'une mixité sociale, c'est pour ça qu'on prend en compte leur mémoire, parce qu'on veut qu'ils se battent, on veut qu'ils s'en aillent, et qu'ils soient remplacés par d'autres. Je veux dire, voilà, je dis crûment, mais c'est exactement ça. Une toute petite remarque en fait, sur le choix du terrain, puisque en fait, tu vas travailler sur des neufs, avec d'autres. Il y a une thèse qui démarre aussi, auprès de en prenant une neuf comme terrain, donc il y a peut-être une discussion à avoir sur le terrain. Coordination entre nous quoi, sur les deux thèses. Vos remarques, de toute façon Colline s'y attendait, puisqu'on en a discuté, la semaine dernière, on en a discuté. Alors ce qui se passe là, on va dire le timing n'était pas très bon pour Colline pour présenter lors de cette journée doctorale, c'est pour ça que je prends la parole, puisque d'abord c'est une thèse qui commence vraiment tout juste, et que nous avons eu, ce que n'a pas dit Colline, c'est qu'on a mis en place un comité de thèse pour cette thèse, qui est très bien, mais le comité s'est réuni il y a 15 jours, si mes souvenirs sont bons. Il y a une semaine. Comment? Oui, 15 jours. Et bien évidemment que lors de ces comités, la richesse de ces comités, c'est que chacun apporte son regard sur le travail qui est entrepris. Et qu'ensuite, le doctorant, la gymnastique qu'il doit faire, c'est de s'approprier tout ça, de mûrir tout ça, de cogiter, et de le réingurgiter dans son, on va dire, dans son travail, voire peut-être mettre des choses de côté, c'est-à-dire ne pas tout prendre dans toutes les propositions qui sont faites, et faire le choix de ne considérer que ce qui va véritablement aider le projet de thèse. Et là, ce qui se passe, bon, c'est ce dont on a déjà discuté la semaine dernière, c'est que Colline a beaucoup... Lana, elle a joué à l'éponge, donc elle a parfaitement écouté tout ce qui lui a été dit, mais en même temps, pour l'instant, du coup, il faut qu'elle elle mûrisse tout ça et qu'elle, on va dire, elle, elle reprend véritablement à son projet thèse sa problématique, ses hypothèses de travail, en effet, comme vous l'avez soulevé, pour, en gros, il faut qu'elle fasse les choix. Et là, ce qu'elle vous montre, en fait, et c'est la grande difficulté que nous avons, c'est que c'est qu'il y a un très grand nombre de choix, à la fois dans le dans ce qu'elle va constituer comme corpus, c'est-à-dire quel est véritablement son corpus, dans sa méthode d'analyse de ce corpus. Là, il y a encore des choses à définir, mais qui vont être définies dans les semaines qui viennent, et qui, une fois qu'elle aura digéré tout ce qui lui a été dit durant cette matinée, fort riche. Et, non, ces comités de thèse, c'est très intéressant, mais c'est vrai que je pense que pour le doctorant, voilà, il lui faut un certain temps ensuite pour digérer tout ce qui lui a été dit, parce que l'enjeu d'un comité de thèse, c'est aussi de mobiliser des champs de compétences. Et là, c'était pour cette thèse, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité mettre en place ce comité de thèse, puisqu'il y a Anthony, il y a Vincent Méchambre, il y a Paulette Duhard, donc il y a différentes compétences différentes qui sont mobilisées. Et bien évidemment que chacun arrive avec ses propres questionnements, avec ses propres, on va dire, oui, son propre regard sur ce qui est proposé, la thèse qu'il voudrait faire lui-même, ou tout au moins la recherche qu'il voudrait conduire. Et bien évidemment qu'après, c'est au doctorant de faire ses choix par rapport à tout ce qui est proposé. Et là, Colline, bon, elle a plutôt tout pris, bien gentiment, mais du coup... Ça suscite quelques questions. Voilà. Juste pour réagir un tout petit peu sur les hypothèses, en fait, dans les deux cas, l'idée quand même d'un travail sur la temporalité. Donc là, une question qui se pose, enfin, que je me pose moi, c'est de dire, s'il y a cette hypothèse-là sur l'évolution de la prise en compte, etc., ça suppose de faire un travail de l'avant et de l'après. Oui. On ne peut pas seulement travailler sur le poste 90 si l'hypothèse consiste à dire que c'est, avant c'était différent. D'accord. Oui, c'est vrai. Sur l'ensemble des projets qui sont envisagés comme terrain d'étude, il s'agit essentiellement de projets justement de réhabilitation, ou qu'est-ce qu'on entend par projet d'architecture contemporaine au lieu de la typologie? C'est pas parce qu'il y a cette liste des re-re-re, c'est uniquement ça, ou ce sont uniquement des projets de réhabilitation? De les projets à étudier, les terrains... Oui. Qu'est-ce que vous entendez par architecture contemporaine, la mémoire habitante au service des projets contemporains? Est-ce que c'est, que sont ces projets? C'est les projets pour moi, enfin, c'est les projets qui sont dans le cadre des rénovations de l'ANRU 1 et de l'ANRU 2. Ces projets de renouvellement urbain. Et à, du coup, arriver à les qualifier, ouais, à savoir. C'est vachement ancien, finalement. Ça remonte à quel... Dans votre frise, ça remonte très en amont, tout ça, en ANRU 1, non? Non, bah, 2003, 2013, 2015, et puis 2014, 2024. Savoir à partir de, parce que vous parlez de 98-2016, effectivement. D'accord. Non, c'est la quantification. Les mémoires habitantes sont davantage prises en compte. Davantage. Est-ce que c'est. Voilà, c'est une différence, mais est-ce que c'est une quantité? Enfin, voilà, davantage, c'est une espèce de... Voilà, c'est large. Est-ce que c'est une différence de qualité? Puis prise en compte, du coup, ça induit la manière par laquelle elle serait introduite. Je ne sais pas comment instrumentaliser, donc c'est pas le bon mot, dans les processus de transformation. Et comme dans ces problématiques de réhabilitation, aujourd'hui, il y a beaucoup de problématiques autour de... Bah justement, la question énergétique, machin, tout ça, je me dis, bah alors comment ça vient se rencontrer, c'est pas simple, il y a une mention Je trouve que c'est davantage. Je pense que la question que pose Anthony, du coup, le davantage pose de. Qu'est-ce qu'on observe? On observe quoi? Des dispositifs institutionnels qui ont un discours sur la prise en compte des habitants et on regarde ce discours qui évolue, etc. Mm-hmm. Ou est-ce qu'on s'intéresse aux traces effectives, effectivement, de cette prise en compte dans le projet lui-même et comment est-ce qu'on repère ces traces-là, la question d'Anthony? Et donc, du coup, le davantage et le travail comparatif entre avant et maintenant ou plus tard. Pose la question de quels sont les critères de ce davantage, quoi. D'accord. C'était pour lever un peu le suspense, la personne qui travaille sur la ville neuve, c'est Maëlys Toussaint. Ah, je sais, on échange. Voilà, du coup, si tu veux réécouter sa présentation, elle est sur le blog d'Affaires Actuelles. J'ai vu. Début de la thèse, je pense. Moi, j'en ai toujours trop. Donc, j'ai assisté, je crois que c'était il y a 15 jours, il y avait un séminaire à Saint-Étienne sur la question des cultures publiques. Il y avait quelqu'un qui parle, des intervenants, donc un monsieur qui s'appelle Alain Batgué, je te passerai son nom, oui. Qui parlait de la différence entre les mémoires publiques et les mémoires officielles. Mais je pense que ça peut être assez intéressant d'aller creuser là-dedans. Alors, je ne fais pas ces recherches tout seul, mais je ne me rappelle plus le nom des autres personnes, mais de travailler aussi sur ces différents statuts, en fait, qu'a cette question de mémoire. Je pense que ça rejoint un peu ce qui a été dit là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres... Par rapport à ce que disait Jean-Paul avant et donc après, depuis la fin des années 90, sur la question d'avant, on avait fait aussi venir un séminaire l'an dernier, un cinéaste qui s'appelle Jérémy Travaillard, qui travaille sur la mémoire. D'accord. La classe, tu l'as vu, il est on l'avait mis à la bibliothèque de l'ENSAC aussi. Et je pense que sa démarche est aussi assez intéressante. Et il y a beaucoup de jeunes cinéastes qui prennent en compte dans leur production documentaire cette question de la mémoire. Et il y a tout un travail vraiment passionnant, mais c'est dans une autre perspective, hein, ça c'est sûr. C'est un autre statut de document, mais c'est intéressant aussi. Je suis dans la matérialité. Comment, je me pose la question de savoir comment la mémoire devient une matière à projet, justement. Comment les architectes l'utilisent comme un matériau, comme un matériau pour les projets contemporains. Est-ce que c'est une piste peut-être qui peut être intéressante à envisager aussi. Intéressant d'essayer d'avoir différents types de mémoire collective. ancienne, particulièrement intéressant. Il y a sans doute beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ces mémoires industrielles. Je vous aussi, je pense, chercheur. Oui, on peut y aller dans les. Non, mais ça me venait parce que c'est vrai, prendre la Villeneuve comme terrain, quand même, qui a été support de participation, de remodelage, enfin, c'est tout un. La Villeneuve elle-même est un. Ouais. Et en soi, un objet de corpus, comment tu vas le mettre par rapport à des opérations plus, on va dire, moins emblématiques, ouais. Ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est ouais. Aussi des. Voilà, c'est plus une réflexion par rapport aux objets eux-mêmes. La Villeneuve, c'est quand même très particulier. Un support de longue mémoire participative. Là pour cette question aussi, c'est-à-dire que quand on dit les mémoires habitantes, est-ce que c'est la mémoire différente de groupes différents, par exemple, d'habitants différents ou de groupes différents qui habitent un même quartier, mmh. ou est-ce que c'est des types de mémoires qui sont oui. différents pour un même lieu? Donc ce pluriel là, il dit quoi? Non, par rapport à ce que vient de dire Hubert et Léo, et à la discussion qu'on a déjà eue vendredi sur justement cette mémoire, comment elle vient un outil dans la conception architecturale et même qui font écho à des hypothèses, c'est vrai que cette question de d'où viennent de quel milieu viennent les personnes industrielles, l'immigration, et sur la réflexion sur l'évolution du bâti, peuvent aussi peut-être avoir un impact sur le type de typologie recherchée dans le travail de recyclage. Donc sur des dimensionnements d'appartements, sur est-ce qu'on a un balcon ou pas, ou des choses comme ça. Donc ça peut être un croisement qui, justement, je ne sais pas si c'est observable ou pas, ou peut-être que ça ne donne rien, mais peut-être une piste aussi intéressante par rapport à ton travail.